Brudzka. L'aguayer refait les 400 coups en valsant dans les bras de Bacchus, un dieu fou. J'ai la voix rocailleuse à refaire le monde sans dessus dessous, à l'école de la rue où l'on mendie le sou. Faut que ça résonne dans les ruelles, un peu de trombone en guise de réveil, les massues et le feu en déco de Noël, pourvu que ça dégage de l'étincelle. J'aime quand ça braille, quand ça chante et quand ça gueule. J'aime quand les piliers de comptoir se sentent moins seuls. Je veux que ça improvise sur des airs qui humanisent, entre chants partisans, un soupçon de boucan. Dans les bistrots, elle réchauffe par dix nos âmes de marginaux. La lumière feutrée s'effondrant sur nos tablés dessine sur les murs les ombres de nos gueules cassées. De loin par la fenêtre on distingue la vie, la vraie, qu'est notre bastringue. De loin on devine les odeurs et le bruit. De près ça ranime nos cœurs endormis. Philosophie de comptoir, mais philosophie quand même, sur la révolution qu'on construit dans nos rengaines. N'en déplaise aux bonnes gens, on est ensemble et différents. On est les artisans, on est le soupçon de boucan. Le soupçon de boucan. La révolution qu'on construit dans nos rengaines. N'en déplaise aux bonnes gens, on est ensemble et différents. On est des artisans, on est le soupçon de boucan.